Entretien du directeur de la compagnie à responsabilité limitée de transport maritime Moudoban. Selon l'information d'un organisme intéressé, la décision du ministère mexicain de circulation sur la mise hors de service du bateau Moudoban est publiée dans le journal gouvernemental de ce pays. À ce propos, nous vous présentons comme ce qui suit la position de la compagnie à responsabilité limitée de transport maritime Moudoban, propriétaire du bateau en question. Le bateau Moudoban est détenu depuis le mois de janvier de l'année dernière au port de Tuxpan du Mexique, suivant la décision injuste du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a déclaré que le bateau coréen est objet du gel des biens, puisqu'il fait partie de la propriété ou du contrôle de la compagnie à responsabilité limitée de gestion de transport maritime sur la mer lointaine, définie comme objet de sanction par le Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons déjà précisé à plusieurs reprises, avec des données détaillées, que ce bateau est la propriété légitime de notre compagnie et qui ne peut point être l'objet de sanctions ni de gel des biens. Néanmoins, la commission de sanctions contre la Corée du Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé plusieurs fois au gouvernement mexicain de ne pas laisser partir le bateau Moudoban sous prétexte de l'objet de sanctions. Résultat, le bateau se trouve maintenant à la mise hors de service. Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sont la seule raison de son embargo. Ces résolutions violent la Charte des Nations Unies et l'esprit des conventions intéressées, et elles sont injustes car elles n'ont aucun fondement légal. Donc, notre compagnie condamne catégoriquement que l'embargo à long terme contre le bateau civil Moudoban est une violation téméraire de notre droit de propriété légale, et que tous les dommages et pertes sont le résultat de la politique d'hostilité à l'encontre de la Corée, guidée par Washington. À cause de la résolution de sanctions illégales du Conseil de sécurité de l'ONU et de la détention injuste du bateau Moudoban issue de cette résolution, tous les membres et matelots de notre compagnie qui s'occupaient seulement des activités économiques civiles de nature pacifique et légale ont subi une immensurable perte morale, sociale et économique, et le droit à l'existence de leur famille aussi a subi un grand dommage. Tout cela dévoile l'hypocrisie et la double norme des États-Unis et de leurs suivistes qui parlent de la défense des droits de l'homme. Nous déclarons solennellement que nous ferons payer à tout prix toutes nos pertes spirituelles et matérielles dues à la résolution de sanctions illégales conduites par les États-Unis et que nous avons le droit de réclamer de génération en génération l'indemnisation de ces pertes. Pyongyang, le 6 juillet de l'an 105 du Tsutse 2016.